enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Avec une poignée de terre, il a créé le monde et continue à créer la terre tout en faisant sa ronde. Le Seigneur jugeant ensemble qu'il manquait le minimum, il créa la femme et l'amour qu'il a donné aux hommes. Oh oh oh oh, oui c'est vrai. Avec une poignée de terre, il a créé des lèvres et des bras quand il me serre pour me donner la fièvre. Et je pense à chaque instant que celui que j'aime tant, le Seigneur l'a fait rien qu'avec une poignée de terre. Oh oh oh oh, marchant à grands pas, allant de ci, de là, de la terre il ramassa, puis ses manches il retroussa, et de ses mains il façonna la divine douce et bonne, celle que tout le monde nomme l'éternelle femme et l'amour que l'a donné aux hommes. Grandis au corps et saisis l'horizon. Tu le possèdes en esprit déjà ce mirage qui se plonge sous toi dans l'extase du sceau, de tes deux bras grands ouverts et de ta face au soleil levé, tu l'étreins ce monde physique dans les replis de ton ombrage. Ce n'est qu'un instant fabuleux de possession, puis tu piques de la tête au fond des abîmes glauques. Tu sors de là, tout ruisselant, comme un matin de rosée. Ou dans l'autre instant, ce corps recourbé se cherche les mains, les pieds et la tête enfouie, plonge au creux des silences mous, tel un canif entr'ouvert que l'on ferme. En se brandissant les pieds soudain décelés, des mains qui précéderont et prendront les coups de la surface lisse, ces orgueilleuses et souples détentes, les pieds au ciel redressés et tout l'être coulant comme un clou dans le lac, les pieds fouettant l'air comme une queue souple de centaure. Françoise Hertel. Are my naked eyes, I should have kept you, I should have tried, I should have been a wiser kind of guy. I miss you. Give me wings, give me space, those noisy rooms and passion pants. I loved you. Where's the morning of my life? Where's the sense in staying right? Who said time is on my side? Got ears and eyes and nothing in my life. But but I'll survive your naked eyes. I'll survive. Le monde physique est encore là. C'est le parapet du moi qui regarde sur lequel un poisson d'ocre rouge est resté, un poisson fait d'air sec, de coagulation d'eau retirée. Mais quelque chose s'est produit tout à coup. Il est né une arborescence brisante avec des reflets, des fronts élimés. Et quelque chose comme un nombril parfait, mais vague, et qui avait la couleur d'un sang trempé d'eau. Et au devant était une grenade qui épandait aussi un sang. Mêlé d'eau, oui. Qui épandait un sang dont la ligne pendait. Et dans ces lignes, des cercles de seins tracés dans le centre du cerveau. Mais l'air était comme un vide aspirant dans lequel ce buste de femme venait dans le tremblement général, dans le secouement de ce monde vitré qui virait en éclats de fond, en secouant sa végétation de colonnes. Mais dans cette végétation de colonnes s'est niché des œufs, des nœuds qui s'aspirent, qui remontent la montagne, et dans le front des colonies des soleils, par hasard, s'étaient pris par le soleil et les nuages qui, aujourd'hui, ont laissé passer cette étoile noire. Et à partir de maintenant, le teint noir devient lumineux. Ce qui me plaît dans la vie, c'est très souvent le contraire. Le noir. Madame Gaétane, le noir. Le noir, c'est pas clair. Bon, oui, c'est... Excusez-moi. On va baisser le canal, merci. Rénal, baisse le canal. Tombe pas dans le général, là, surtout va dans la proximité. Je parle souvent, je vous l'ai dit, ça fait des émissions, des lustres. Quoique, je monte souvent sur les lustres, moi. Ah, monte des rideaux, des lustres, ah oui. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas... Monsieur Gazou, jouez pour nous. Je ne savais même plus comment ça jouait. Ça joue comment, un gazou? Le gazou, c'est l'instrument le plus insignifiant de la Terre, puisque pas besoin de connaître la musique pour... Fait, souvent, comme dans la vie, toi, tu te trompes de trou. Ça fait plaisir à certaines personnes dans des soirées un peu olé-olé, mais... Le RER? Oh non, j'ai manqué mon RER. Ça fait un rire aussi creux. Platon est rentré. Est-ce que c'est Platon ou... Non, c'est Platon hein, dans sa canne. Il voulait voir des ombrages, lui. Il s'intéressait à ça. En même temps, c'est les points de vue. T'es dos à l'événement. La seule chose que tu peux examiner et vérifier, c'est l'ombre que tout ça donne sur le mur de la grotte. Et croyez-moi, quand c'est une grosse grotte, c'est plus facile à voir. Plus c'est petit, plus c'est moins douloureux, madame. Oui, je sais, une petite grotte est beaucoup moins douloureuse qu'une grosse grotte. Quoique, une grosse grotte... Quand vous rentrez à l'intérieur, parce que vous pouvez, vous n'avez jamais essayé, madame, de rentrer dans votre grotte? Avez-vous une grotte contre moi? Mais voyons donc, je pense que vous ne connaissez pas la même... Les ours, voyons donc. C'est ça, madame Thibodeau, j'ai demandé de mettre de la colle, mais pas sur le pot-tour des gencives, sinon ça fait bizarre. Je me sens comme une triple dentition. Mais c'est pas important. Vous êtes quand même génial. On vous aime. Puis, quand je vois des mortalités aussi proches, je me dis, voyons donc, ça me fait passer à la chanson de Jacques Brel. Là. Au suivant! Au suivant! Au suivant! Oui, écoutez, quand même, on est comme en bungee, hein? Connaissez-vous le bungee? Madame, l'élastique, vous vous laissez tomber, puis il y a un creux. Non, ça, c'est une autre affaire. À l'air libre. Puis là, vous partez dans le... Comme... Ouais, mais c'est pas l'atmosphère, là. C'est, ben, en fait, oui, mais c'est vers le bas. C'est une chute libre, tenue par... un insignifiant d'élastique qui peut céder à tout moment, même si on dit, ben non, non. Oh non, écoutez, l'Association des élastiques ont évalué tout ça. Nous avons des signatures, mais nous aimerions aussi que vous apposiez en bas de votre contrat que si tout cède, tout cède, arrêtez de tousser, monsieur, tout cède. Vous planifiez une émission, quoi, qui s'arrêtera sur n'importe quel son venu d'ailleurs. Non, s'il vous plaît, arrêtez de tousser. Mais si l'élastique cède et que vous décédez, parce que si ça cède, normalement, on décède. C'est pas loin, là. Hein? Les mots n'ont pas été écrits pour rien, n'ont pas été conçus pour des insignifiances, quoique il y a beaucoup de... Non, ça donne une richesse. Je viens de réfléchir à ça. Non, je ne dirais pas ce que je voulais mentionner. Pas pire, hein? J'ai pas répété deux fois la même affaire. M'améliore. La vie, c'est de s'améliorer. Puis je tiens à dire à Mme Tremblay que c'est lorsqu'on dit s'améliorer, c'est toujours pour le mieux. On ne s'améliore pas pour le pire. Quoi que votre troisième mari, lui, vous êtes mis dans le trouble. Je vous avais averti, moi, je vous ai fait votre carte du ciel, madame. Vous me dites, ah, mais moi, j'aime ça, la carte du ciel, moi, taureau et sous capricorne. Ben, ça, c'est des conchoncetés, là. Moi, je suis gémeaux. Ça va bien avec l'émission, dédoublement, on se dédouble, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, est-il là, est-il pas là, présent, absent, pas important, le son est là. Quand le son est là, tout va. Je l'ai déjà fait, celui-là, il y a je ne sais pas combien de temps, c'était peut-être précurseur. Le monde aime ça, le précurseur, hein? Et dire avant ce qui va se passer après. En même temps, ça fait peur. Là. Je dis, voyons donc, toi, ça fait combien de précursions que je fais dans ma... Non, ça... Appelez pas ASECO RL, OK? Bon, je tiens à vous souligner, madame, que j'ai peut-être inventé un mot, mais ça rentre dans le lexique rénaldien. Si vous allez voir le site de ASECO RL, c'est pas indiqué, le lexique. Il n'est pas encore paru sur Malimar, l'édition Malimar. Ouais, OK, vous voulez prendre ça en note, mais le livre n'est pas encore... Ça, on va vous... Quand c'est ça... Ah, vous voulez que je sois précurseur? OK, les éditions Malimar. Malimar. Et cette édition-là risque de m'alimenter jusqu'à la fin de mes jours, là. Ils m'ont dit, si ça ne se vend pas, c'est pas grave, on va vous payer en ouille instantanée avec un petit bouillon en sachet. Quand là, je disais, ben écoutez, mangez pas ça, placez ça dans les toilettes, puis placez du papier cul, ça sera déjà chercher le moins problématique de ta vie. Mais sinon, moi, ça va bien. Les enfants ont doublé leur maternelle. Mais je me demandais, surtout, je me disais, est-ce que c'est possible de doubler sa maternelle? Oui. Mes enfants l'ont fait. Félicitations. Moi, je leur ai offert un trophée. Non, mais il ne faut pas non plus demander aux gens d'être pareils. Surtout que là, c'est unique. J'ai jamais vu ça, moi, doubler sa maternelle puis ma petite fille. Mélodie. Je l'ai appelée Élodie Mélodie pour, un, qu'elle se fasse une carapace pendant toute son enfance, pour qu'un jour, rendue à l'adolescence, elle soit prête à affronter la société qui est méchante. La société est méchante et dure. Elle pue. Elle crache. Elle vomit. Elle prend pas un petit pot, elle y va directement sur la robe de Jacqueline. Jacqueline mal-aimé, puis là, avec ça, là, son nom mal-aimé, pendant toute sa vie, elle se dit, moi, je suis mal-aimé, voyons donc. Dépasse tout ça, toi, là. T'es plus intelligente qu'un corseau de fraises. Là, il faut se demander, au niveau de l'intelligence, là, est-ce que c'est le corseau qui est plus brillant ou les fraises? Mais sans le casseau, on ne pourrait pas avoir les fraises. Quoique, si on fait comme les mains jointes, là, lorsqu'on veut accueillir l'hostie. Non, l'hostie chaud va monter, là. Faites-vous... Le corps de monsieur et le vin de madame, hein, le jus de madame. Et c'est le corps de monsieur qui boit d'eau. Priez pour vous. Tirez la langue, madame. Vous avez plus de main, je le sais. Les deux bras parus. Partis par accident. Ils sont partis. Ils vont venir. Non, non, c'est des bras qui sont malléables. Ils sont errants. Des bras errants. Avez-vous déjà vu ça, vous, des bras errants, monsieur? Si je vous le dis, ça peut exister. Quand l'imaginaire invente quelque chose, ça existe maintenant. C'est pour ça que... t'as un rire assez bizarre ce soir. Ouais, mais je suis très ému. Très ému par plein de... Puis je me disais en ouvrant le micro, est-ce que je vais pouvoir faire un spectacle rigolo? Puis quoi que le spectacle, en somme, ne l'est pas, mais au pourtour, là, autour de tout ça, bien, c'est une rencontre. Une suite de rencontres ce soir. Une magnifique belle rencontre. J'allais dire une maudite belle rencontre, mais ça dégénère un peu. Quand tu as un discours de 4 sous, il ne te revient même pas 1$. Puis des ormeaux seraient quand même très déçus de mon... Le texte surréaliste là, que j'ai bavé, puis que en même temps, j'ai tricoté mes propres mots là-dedans. J'ai tricoté. Quand j'ai dit tricoté, le petit banjo s'est mis à japper, donc ça a rentré dans mon arcade sourcilière. Pas facile d'avoir une arcade sourcilière. Puis là, Raymond Beaudoin, puis Rita Bibelot, m'ont pas coiffé avant d'ouvrir le micro. Il me semble que je me sens mal à l'aise. Même pas coiffé, là, pour faire une belle émission comme ça. Hey! Les gens qui te regardent! Regardez-vous à radio, vous! Là, ce qui serait blessant, puis c'est intéressant aussi, là, ce qui serait blessant, c'est de dire, hey, j'écoute la télé. Oh! Ça n'a pas d'importance. Ta cravate, mon Raymond, mais pas de cravate. Nœud papillon, oui. Bleu, blanc, rose. Bleu, blanc, rose, oui, bleu. Accueille-toi comme il se doit. Raymond. Fait que là, Raymond arrive avec ses pantalons jaunes. Jaune maïs en crème, là, tu sais, maïs crémeux. Ouais. Puis chemise. Puis j'aime ça, ce mot-là. Marron. Brun, ça fait merdique, mais marron, ça fait poétique. Donc, chemise marron, pantalon jaune et cheveux rouges. Regardez déambuler le pâté chinois. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Et puis, à part ça, les enfants, vous? Ouais. Ben oui, je vous l'ai dit, la mienne a doublé sa maternelle. Mais, hey, ceux qui... Pardon? Ah non, elle souffre pas. Ben, en fait, il faut dédramatiser. Tout ce qui se passe dans la vie, il faut dédramatiser. Quelqu'un te pointe un fusil entre les deux yeux, il dit « C'est fait, ça va la même, mais ça va, c'est hold-up, tu vas crever, c'est hold-up, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, hold-up. » Tu l'as entre les deux yeux, le canon, là. Champlain a vécu ça avec des vrais canons. Gainsbourg a rencontré des canons. Isabelle et Jenny. Tu te dis, ben écoute, personnellement, là, j'ai 26 scènes, puis les deux scènes n'existent plus, donc j'ai 25 scènes. Ma collègue à côté, là, celle qui a oublié de mettre sa... Ouais, j'ai dit, mets tes dents. Mets ça dedans, voyons. Elle comment tu peux oublier de mettre tes... Ah bon, en tout cas, ça c'est son problème, puis c'est la belle Gaétane. La belle Gaétane, elle a 3,25$, mais c'est pour prendre l'autobus à la fin de son travail. Elle travaille pas, mais elle prend l'autobus. Elle est là, puis elle attend, puis elle chiale. Fait chaud, fait froid, j'ai faim! Je veux pas voir, j'ai faim! Voyons donc, lâche la cantique, toi, là. T'as une cantique pathétique. Puis là, si le cancer prend là-dedans... Tu risques de t'engraisser, puis à un moment donné, d'amener... C'est comme une patate. Une patate qui n'est pas très, très bonne, qui commence à devenir trop juteuse, là. T'as place avec d'autres patates. C'est bien platate, c'est bien ennuyeux à dire, mais ça fait des patates pas mangeables. Quand c'est pas mangeable, ben tu dois les jeter ou tu les jettes sur ton gazon pour l'engrais, mais l'engrais de patate, j'ai jamais entendu ça, mais il faut que ça... faut que ça merde! Comme disait, non, c'est Boris Vian, jamais dit ça, non. Et lui, c'est faut que ça saigne. Mais ma méthode, à moi, c'est la méthode du fermier, hein. Ah ouais, donc, faut que ça merde. Si tu en me donnes tes examens, c'est pas si bon, faut que ça merde. Tu verras que la vie en va dans les gens et dans les gens, et si tu vas loin, loin, si tu merdes, ne va pas le réveiller, mais faut que tu le répandes sous la terre, pas au ciel, c'est bon. Mais. Mais. OK. Non, j'ai. Oui. Non, on va l'appeler. Yup. Faites-vous. Hey, non, mais il y en a qui sont angoissés, hein. On va lui parler, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Rita? OK, t'as pris l'écouteur, là? Ben, est-ce que tu peux nous rejoindre, là? Merci. Alors là, on s'excuse infiniment, là. On est en onde, nous le savons. Quand même, on est conscient de notre inconscience. C'est quand même un début à tout. Ce n'est pas fini. Ce n'est rien que début. Mais on va parler à... On va parler à quelque chose, à un phénomène. C'est un phénomène que tout le monde craint. Ou, en tout cas, essaie de décontourner. Hein? Et c'est l'angoisse. Nous avons en ligne l'angoisse. Ça va, l'angoisse? L'angoisse. Là, j'ai bien... Raymond m'a posé plein de questions à te demander. Donc, je dois commencer par te poser la question. Angoisse, es-tu angoissé? OK. Quand on s'angoisse, là, est-ce que c'est parce que notre conscience est trop lourde? Quoi, on a fait un acte, et puis cet acte-là, on a... Bon, Freud nous a dit, excusez-moi, est-ce que je peux relater Freud? OK, il y a le moi, le surmoi, puis le « hey, moi! » Non, c'est moi, le ça, le moi, le surmoi. Bon, vous, depuis que le surmoi est arrivé, c'est là que le trouble a commencé. Sinon, vous étiez heureuse, vous, là, vous... On vous voyait barbiturique. Êtes-vous sur les barbiturique, madame? Oui. Ben c'est bien certain, c'est l'angoisse. Ça doit être sur bien des affaires. Marilyn Monroe était... Oui. Ben voyons. Surtout qu'elle, elle pouvait pas dire que JF Kennedy, puis... Hein? Ben oui. Hey. Pis on ne peut pas parler trop de ces événements-là parce qu'on risque de se faire poursuivre et de vivre en... Ben oui, de se faire angoisser, ben oui. Mais est-ce qu'un jour, là, allez-vous arrêter de travailler? L'angoisse a-t-elle une retraite? Oui, bon. Simone me dit après la fin de l'existence. Puis Hubert Rive nous a dit qu'il restait quoi? 2000 ans, 250 000 ans avant de trépasser. Fait que l'angoisse va s'arrêter lorsque la Terre n'existera plus. Mais là, excuse-moi, engraisse pas trop l'angoisse, toi. Angoisse. Alors, ma petite fille, là, doubler sa maternelle, là, ça l'a angoissé. Est-ce qu'on peut, à 5 ans et demi, être dans cet état-là? C'est la faute des parents, madame? Non, mais la vie en général, c'est la faute des parents. Si les parents ne se seraient pas amusés entre eux, ben nous ne serions pas ici. L'angoisse vient de la conception. Adam et Ève, OK, on va aller au début, Adam et Ève, Gaétan et Raymond, parce qu'on sait que Gaétan et Raymond, là, c'était bien avant Adam et Ève, mais comme, bon, en tout cas, on m'a dit, là, Luc, Matthieu, Saint-Jean, Saint-Jean Chrysostone, le Stone, là, Oliver Stone, après avoir sniffé sa ligne d'espérance, m'a dit, écoute, faut pas mettre là-dessus, là, la réalité, faut amener une poésie à l'existence pour que les gens poursuivent leur vie avec un certain sourire. Avec un certain sourire. Oui, monsieur. Aïe, mourir pour toi. Quand sous ton mal la mort de chose, mettant la main sur mon épaule et ressentir. Non. Monsieur le Président, oh, oh, hein, quand même, hein? Ah, quel est cet inconnu? Pour la femme en bleu sera sa table. Pour je me sens fou de l'avoir vu. Ce qui serait bien, c'est que les pop-pop se fassent pendant la chanson, hein? Mais on ne sait pas si le succès va arriver. Si oui, la tribu siouxienne, mais si oui, que le blé tombe du ciel. OK, on y va. La dame, ah non, changez pas de cas. Au contraire, c'est crampé au 89.1. Si vous décrampez, ça ne fonctionnera pas. Puis débranchez pas, ça fonctionne quand même. C'est l'énergie rénaldienne qui, aujourd'hui, qui ce soir, comme à tous les jeudis à vendredi, de minuit jusqu'à 2h, s'installe. C'est pour ça, des fois, on perd les ondes, on perd le nord, on perd la boule, on perd la... le cochonnet. On perd OK. Hein? On y va? L'écho, c'est beau? Pom, pom, pom, quelle est cette belle inconnue? La femme en plus sera table. Il y a trop d'écho, Gilbert, il y a trop d'écho. OK, mets ça. OK, un, deux, OK, on y va. Quelle est cette belle inconnue? La femme en bleu, sa table. Pouf, je me sens... Attendez, on y va. On va la faire pendant 2 heures sans la main. Que... combien de poupes? 5 poupes, OK. Quelle est cette belle inconnue? La femme en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Oh, j'aimerais bien qu'elle me regarde. Je n'ai jamais su m'ennuyer. Lorsque la chanson n'avait pas de poupe. Là, maintenant, allez porter vos enfants dans le lit parce que c'est le côté... oh, c'est chaud. OK. On y va. Madame, votre petite fille, là, bon, lâchez. Faites-lui lâcher la tétine puis faites-la coucher. Hein, parce que... bon, recouvrez. Voilà. Jusqu'au... sa petite tête sur... oh, c'est... on y va, on continue. Là, c'est le côté. C'est chaud de la bretelle. OK, on y va. J'imagine son corps nu qui m'invite à chaque pas à cause d'un. Je suis amoureux de l'amour. Oh non, venons à la réalité, mesdames et messieurs, monsieur le président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone errant. J'ai dit indépendante. C'est bien beau que j'imagine son corps nu qui m'invite à chaque pas à cause d'un regard. Le bonheur de nos ébarnés, je suis amoureux de l'errance rénaldine. Non, ça rime pas, hein. Il y a trop de pieds. au derrière qui se manque actuellement en 2016. Des claques sur la gueule. On a une bouche, les chiens ont une gueule. Pourquoi les chiens ont une gueule? Parce qu'ils mangent sans leurs mains. On parle de gueule quand on ne peut pas capter la nourriture par les mains, mais par la bouche. Donc, c'est plus une bouche, c'est une gueule. On ne dit pas « ferme ta gueule », on dit « ferme ta bouche ». Si tu parles à ton poisson, tu dis « ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça ira mieux ». Monsieur le Président, non, il faut décloisonner à un moment donné le système, là, hein? Tout est bouché. Tout est bouché, Gaétan est complètement bouché. Après ça, il y a qui? Il y a Raymond Boucher. Comment il s'appelle, le chanteur? Là? Bon, lui aussi, il est bouché. Mon ami? Bon. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, madame l'évolution n'est pas ici dans ce monde. L'évolution est de l'autre côté de la rue. C'est pour ça que tu vas avoir sa tondeuse, ses enfants et sa femme. Parce qu'on l'air plus heureux. On l'air plus heureux. On l'air. Monsieur le Président, on va arrêter de le dire, monsieur le Président, monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés. Dans la vie, c'est bien d'avoir l'air. Il faut aussi tenir la vérité et la mélodie. L'air mélodie. Oh, ce soir, c'est l'histoire de... Mélodie, Nelson. Quand ta mère, personne, n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça, pom, pom, pom. On dirait la vraie version, hein, Raymond? Bon. Quoi que tu as des bouchonnets dans le creton, toi, hein? Va voir le médecin, il va te débouchonner. Il connaît ça, le champagne, lui. Quoique, toi, c'est du bouchon, hein, hey, monsieur? Du bouchon québécois. Du vrai gros bouchon qui reste coincé dans l'abdomen. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée. Ça, c'est du bouchon de draveur. Avec un chien de surréalisme. C'est ça, il y a des élèves. Ça, là, quand j'accroche ça, ça fait actuel, musique actuelle, j'aime ça. Je pourrais faire une improvisation de 2 minutes, là, mais on n'a pas le temps. Quoi qu'on pourrait prendre le temps, là. Avec moi, un chien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Et je vous disais tout à l'heure que nous poursuivions notre rencontre, car aujourd'hui, et ça me fait tellement plaisir de vous le dire, aujourd'hui, le vendredi 19 février 2016, l'Errance Rénaldienne vous propose, comme à son habitude, une dérapante. Moi, j'ai décapé avec du SOS, du GOG, du SEB, du TPS et du quoi? Du canalopé, du canali, du canala, des canini, des... L'Errance Rénaldienne vous propre. Hein? C'est-tu un rire, ça, comme un... Toi, tu fais de l'as? Hein? C'est asthmatique, ton affaire. C'est... Aznavour faisait de l'as. Je parle au passé parce qu'il en fait plus de l'as. Il fait plus grand-chose non plus, mais... À part de hein? Isabelle, mon amour. Une chanson de Charles Aznavour, ça. Voilà notre ami Gilbert Lafaye pour la deuxième rencontre. Là. Mais en fait, c'est pas la deuxième rencontre, c'est la suite de la première. Gilbert est né à Paris. Il nous a proposé des chansons exceptionnelles de toute dans sa carrière de troubadour. Et nous allons entendre la suite de sa divulgation. Et non, mais surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il dit à mon émission des choses qu'il répugne et qui le fait, c'est un homme ce soir qui réagira au micro de CKRL et c'est très bien. Donc, j'aimerais ça vous dire avant de terminer et de laisser la place à ma musique et à mon ami que je viens de vous mentionner, Gilbert Lafaille, si je trouve mes feuilles, puisque on dirait que c'est l'automne à la saison complète. C'est à madame, voyons donc, oui. Alors, comme je vous disais, en juillet 2015, Ré, c'est nous, Gémeaux, c'est nous, plusieurs. Bon. Oui. Le trouble fait de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là, à Paris, pour rencontrer ce monsieur des plus extraordinaires. La preuve. La laideur est supérieure à la beauté en ceci qu'elle dure. Est-ce que tu peux être belle quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets. Tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être garce quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets. Tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux me faire mal quand tu t'y mets? Tu t'y mets trop souvent, pourtant quand tu t'y mets. Tu peux pas savoir. Dans mes bras quand tu t'y mets. Tu t'y mets plus souvent, pourtant quand tu t'y mets. Tu peux pas savoir. C'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Ce qu'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Ce qu'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Ce qu'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Ce qu'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Ce qu'était notre amour quand on s'aimait. Il n'y a pas si longtemps pourtant que l'on s'aimait. Tu dois plus savoir. Lance des balles, des oiseaux, des mots bleus, des mots doux, des cigales. Va pas jeter dans la gueule du loup, juste pour chanter poupoupidou. Lance des balles, des origamis, des cerfs volants, des étoiles. Viens pas nous montrer tes plumes de paon, mais viens faire briller nos yeux d'enfant. Lance des balles, quelque chose qui donne un peu envie de s'en aller danser sous la pluie et se prendre une heure pour Gene Kelly. C'est court la vie, tu cours, tu cries, marche sur la tête ou sur les mains, mets tes trois petits tours, fais-les bien. Souris, on va tous ici couchy couchy. Déjà tous les chats sont gris. Lance des balles, sans filet, sans les mains, sur une roue, sous la toile. Pas d'état d'amour, de coups de grisou, tous les soirs il faut tenir debout. Lance des balles, de l'amour tous les jours, de colère, du cristal. Des bulles de savon qui jouent dans l'air comme une mélodie de Fats Waller. Lance des balles, mais ton cœur au cœur de tes refrains. Même si demain il n'en reste rien que de la poudre de perlimpinpin. Marche sur la tête ou sur les mains, mets tes trois petits tours, fais-les bien. Mets tes trois petits tours, fais-les. Mets tes trois petits tours, fais-les. Mets tes trois petits tours, fais-les bien. Si tu étais, oh oui, si tu étais un aliment, ce serait biblique. Non, un aliment. Oui, oui, ce serait biblique. Biblique, du raisin. Du pain. Du vin. Du pain, une goutte d'huile d'olive. Pour être purifié. Une tomate. De ton côté. Des aliments très, très basiques, très simples. Ok. Très simples. Si tu étais. Mon prêtre, enfin oui. Oui, biblique. Biblique. Si tu étais un moment de la journée. Oh ben, le matin. Maintenant, c'est le matin. J'étais très longtemps de la nuit, mais maintenant, c'est le matin. Parce que la nuit, tu es plus capable de supporter. C'est-à-dire que maintenant, je me lève tôt. Pendant 45 ans, je me suis Je suis pas sûr qu'ils te font la carte, hein, couché tard et levé tard. Okay. Et maintenant, c'est l'inverse. Peut-être on modifie notre façon de voir la vie en vieillissant. C'est-à-dire, c'est un conseil qu'on m'a donné hein, aussi. Okay. C'est un conseil. L'énergie, en vieillissant en plus, l'énergie est meilleure le matin. Okay. Et plus profitable. C'est plus profitable de profiter de l'énergie du soleil levant. Enfin, de faire comme avec les poules, se lever, se coucher avec les poules. Okay. Mais j'étais longtemps un oiseau de nuit. À courir les poules. Ben oui, c'est pas faux. Aussi. Si tu étais... Avant mon mariage. Ah oui, ben voilà. Et je ne voulais pas non plus souiller. Si tu étais un moment de la journée. Ah, ben, tu l'as dit. Le matin. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Est-ce vraiment que tu bosses pas en même temps? Je pense que je m'occuperai des autres. Quoi, ton côté humaniste? Oui, mais j'ai fait un bilan récemment. On me dit que finalement, les artistes s'occupent beaucoup d'eux-mêmes. Alors, ça peut être intéressant. Ça dépend de la richesse de l'individu, ça dépend de son vécu. La richesse, c'est pas économique, de la richesse du cœur. Mais que c'est sans doute tout aussi intéressant et certainement beaucoup plus enrichissant de s'occuper des autres. Que ce soit sur le plan humanitaire, mais ça peut être dans différentes manières, mais de sortir de cette préoccupation-là, de sortir de la prétention de dire j'ai quelque chose à dire, et aller plus dans le faire, et dans le concret, aller, j'irais même aider les autres. Quoi. C'est ce que Marcel Amont m'a dit l'année dernière. Oui. Aider les autres, sa femme aide les autres et lui aussi, à un âge aussi vénérable que la sienne. Ben, je les adore, oui. Marcel et sa femme. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Est-ce que tu ferais le même chemin? Ben, je pense qu'on ne peut pas répondre à ça parce que c'est le chemin que j'ai fait qui m'amène à te répondre ça maintenant. Devant les micros de ces carrières. Je pense ça maintenant parce que j'ai fait ce chemin-là. J'aurais pas fait ce chemin-là, je penserais comme lorsque j'avais 25 ans et que je voulais faire ce que j'ai fait. Donc, je pense que c'était un passage obligé. Et l'actualité de Gilbert Lafaille aujourd'hui, c'est des traductions, c'est... J'ai fait plusieurs manuscrits, j'ai écrit aussi une pièce de théâtre. Qui sera jouée? Ben, je l'espère bien. Mais c'est aussi difficile de monter une pièce que de... Non, pas d'une chanson, que de monter un film. Ah oui, oui, oui. Okay, une chanson, pour la faire, il suffit d'une feuille de papier, un crayon. Quoi que ça prend quand même une maison de 10 pour lancer la fin. Oui, mais... Enfin, pour faire le... Pour la faire... Non, mais monter une pièce, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans cette avenue-là de la création, le théâtre? Mais j'ai envie, ça fait longtemps. De toute façon, j'ai commencé à écrire des sketchs aussi, ça fait un moment. Humoristique? Oui, oui. Et que j'ai fait en scène, ça fait un moment. Et puis, alors j'ai des propositions éventuellement, j'ai écrit aussi un manuscrit sur ma vie en scène. Ah oui? Une bio? Oui, mais uniquement à travers la scène. Oh, oui. Et puis, j'ai ces manuscrits sur ma famille. Et puis... Bon, j'ai encore quelques dates, là. Tu peux prendre les verres, non? Hein, non. Non? Bon, ça va, mais bon. J'ai encore quelques dates. Mais en fait, j'achève la tournée. Quelques dates. Mais nous avons fait. Non, pas cet été, je ne tourne pas. Nous avons fait un disque, nous avons fait une tournée. Une rentrée parisienne, et il y a encore quelques dates qui se sont accrochées. Après, je vais voir ce que je fais, mais ça, c'est la suite du passage parisien de 2013, quoi. C'est la fin. Et donc, c'est-à-dire en tournée avec Nathalie Fortin et Jacques Adam à la guitare. Et après, je vais voir si je change de formule, si j'écris de nouvelles chansons ou pas, je ne sais pas. Est-ce que le public t'attendait pour le spectacle? Est-ce que tu étais... Par contre, vous évitez d'en mettre partout. D'accord? Mais si tu fais mon propre. Ouais, moi j'ai envie de faire. Bah, non. Je m'étais pas absenté de la scène. Hein, Et t'en faisais beaucoup moins. Non, j'ai toujours... Non, ça fait... Non. Non. J'ai pas refusé de travail depuis 15 ans. Hein. J'étais partout où on m'a demandé. Mais il y a eu moins de demandes. Mais ben ça se passe toujours bien parce que depuis le temps, ça fait 40 ans. Hein. Donc les gens me connaissent, ils viennent, ils sont fidèles, ils reviennent. Est-ce que tu accroches des nouveaux spectateurs ou as-tu des nouveaux auditeurs qui... Ben alors c'est un peu ça qui manque maintenant parce que c'est la relève des comme ce n'est plus médiatisé, les jeunes n'ont pas vraiment moyen de... Mais avec Internet, c'est très médiatisé, il suffit de mettre... Oui, mais il faut connaître pour aller faire une recherche sur Internet. Une radio, une télévision, ça chope tout le monde n'importe où. On tombe sur quelqu'un par hasard, on dit que c'est quoi ça, on se renseigne. Mais pour aller sur un site, il faut avoir le nom déjà. Donc c'est un peu ça qui fait défaut. C'est le renouvellement, le rajeunissement du public. Et donc c'est un signe. Il ne faut pas faire le combat de trop. Il ne faut jamais être ridicule. Il ne faut pas être pathétique. Il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a des choses auxquelles je ne suis pas prêt, quoi. Je ne veux pas jouer dans des salles de plus en plus petites, avec des solos de moins en moins bonnes, avec pas les musiciens que je veux, enfin voilà. Et puis aussi, je dis place aux jeunes, enfin bon, 40 ans de scène, ça, c'est pas mal. Quoi qu'on parlait de Marcel Amont, qui lui... C'est différent, alors Marcel est un interprète. Écris-tu beaucoup, toi? Pardon? Est-ce que tu écris beaucoup? Mais j'écris tout, paroles et musique. Non, mais est-ce que tu écris beaucoup? Bah, j'ai écrit, j'ai fait... Non, mais au présent, est-ce que tu écris encore aujourd'hui beaucoup? J'ai jamais écrit beaucoup. OK. Mais... Non, ça va pas du tout avec la glace. J'ai dû écrire à peu près, tout, je sais pas, 200 chansons. Mais... Mais la forme d'écriture que j'ai cherchée, on ne voit pas la différence entre les chansons écrites aujourd'hui et celles écrites il y a 40 ans. Okay, ah oui, ok. Il y a une continuité. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a un travail de mise en forme. J'ai toujours cherché à faire des choses assez intemporelles. Donc, voilà, c'est pas le nombre qui compte. J'aurais pu en écrire beaucoup plus, mais moi je suis un peu dans la lignée de Perret ou de Nougaro. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à écrire, et que des gens que je connais, que j'ai connus, et qui mettent facilement un mois ou deux sur une chanson. Qu'est-ce que tu veux en faisant que ça? Oh oui, effectivement, reprendre et reprendre de la besogne. Mais Gilles est un peu comme ça aussi. Oui, hein. Oui. Ils ont dit que c'était une fille. Moi je dis que c'était la manigoute, l'œil en feuille et la dent de coquille. Telle était la manigoute. C'était plus haut que la plaine, il fallait pour aller là la patience et l'aviron et connaissance de la chute, du portage et du courant. Où est comme un long culbute, les oreilles de charrue et l'eau morte et les cirés, les cormorés, les écumes, veille à gauche et veille à droite, à la pince et au ballon, sans vouloir te commander. Tiens-toi bien, puis laisse aller, pas grand tôt, mais c'est assez pour te dire qu'à l'eau douce, on finit par dessaler. Et ça, c'était pour l'été. Ils diront que c'était une femme, je dirais que c'était la manigoute, le dos souple et la danse dans l'âme, telle était la manigoute. Fatiguée de la semaine en rapide et gros bouillon, elle faisait son dimanche en amont du quatrième, vivant corps et paresseuse, avec du sable en dorure et les beaux cailloux tout ronds. À deux pas c'est une source, à trois pas c'est un brûlé, le foin roux puis les framboises, les bleuets puis les vermis, et le petit bois d'argent. Prends ton temps, prends pas ta course, c'est piquant puis déchirant. Pas si vite, assis-toi là, on va compter les cailloux. Ça c'était pour le beau temps. Ils croyaient que c'était une fée. Moi je dis que c'était la manigoute, de feu d'or et d'automne attifée. Telle était la manigoute. Au premier jour de gelée, elle a déjà le gros dos, les manches en pis les manteaux, et tout en plein et beau et chaud. Elle a la race et la grâce, elle est de chasse et de glace, les renards et les bisons, les rats musqués et les castors, le loup cervier puis la loutre lui fendant, elle de traces. Et quand la glace est trop mince pour la tenir enfermée, elle saute la fenêtre, elle est noire et douce, froide, et c'est le froid qui la dompte à la tombée de la nuit. Et c'est le temps de l'hiver. Ils croiront que c'était une amante. Moi je dis que c'était la manigoute, jeune et vieille et muette et parlante. Telle était la manigoute. C'était le temps du trappeur et le temps des compagnies. On partait le 20 octobre, on revenait 20 janvier. Quand un homme est à la chasse, ça demande à des cavaliers. Sont partis le même jour, mais chacun de son côté. On a trouvé par les traces qu'une fois rendu au piège, avait chassé tous les deux jusqu'à ce trou dans la neige. Attention, la glace est mince, tu la salueras pour moi. N'en viens pas, tiens-toi, j'arrive. Les chiens sont venus tout seuls. C'était pour le printemps. Ils ont dit que c'était la Julie. Moi je dis que c'était la manigoute. Ils diront qu'avec l'âge on oublie. Telle était la manigoute. C'est excellent, Anne Sylvestre, c'est pareil. Chaque fois que je la vois, elle me dit « Oh là là, j'ai du mal à écrire. » C'est pas parce qu'il y a des années derrière que c'est plus facile? Non, c'est qu'on a l'envie d'une forme ciselée qui va avec des sonorités et qui va sur une mélodie. Et puis qu'on a aussi tout ce qui a été fait avant qui est interdit de le redire. Et donc il faut trouver des choses nouvelles. Quand on écrit condensé, on dit beaucoup, on peut. Et donc, ça élimine plein de choses. Et donc, il y a de moins en moins à dire. Est-ce que tu vas envoyer des messages ou tu veux simplement divertir lorsque tu prépares ou lorsque tu écris une chanson? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je le fais aussi. Parfois, j'ai envoyé quelques messages. C'est pas la majeure partie de ce que je fais. Peut-être un quart de messages, mais comme disait l'autre, pour les messages, il y a la poste. C'est des messages qui sont parfois, ils sont subliminaux, oui, parfois ils sont pas, c'est pas des mots d'ordre, ça n'a jamais été des mots d'ordre, ni des directives, c'est, mais... S'exprimer, oui. Et divertir, oui, aussi. Faire rêver, oui. Déconner, oui. Mais tout, j'ai fait des trucs. J'ai fait quelques morceaux. Pas beaucoup, trois. Qui sont. C'est limite, c'est à pleurer tellement c'est grave. C'est cruel, c'est grave. Mais j'en ai. Une vingtaine où on hurle de rire, et puis j'en ai plein qui emmènent vers le rêve, et puis il y en a d'autres qui expriment une révolte, mais je trouve qu'on peut tout, d'autres qui vont vers le surréalisme, on peut tout exprimer. Après, c'est une question de dosage. Moi, j'ai toujours fait très attention à respecter l'auditeur et à pas en dire plus que ce que je pouvais tenir, surtout dans l'engagement. Ou dans les. Voilà, j'ai toujours privilégié, par exemple, dans l'engagement, la fable ou l'allégorie, ou le. Mais jamais le truc direct. Est-ce que lorsque tu prépares un album, tu peux mettre un peu tout, chansons rigolotes, chansons plus engagées, chansons plus mordantes, ou si tout vient comme ça vient, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de pin dorsal. Il y a les deux. Il y a le premier jet, il y a les envies, et ensuite il y a la construction. On pourrait dire que c'est un peu comme le montage d'un film aussi. Ensuite il y a la construction, il y a là il me manque une... Comme un peintre qui compose un tableau, là il me manque une touche de rose et de bleu, c'est trop noir. Ou bien là c'est trop rose et bleu, il me manque un peu de noir. C'est-à-dire composer un ensemble qui tient la route et que je peux défendre et qui se défend, parce que dans une même journée, je vais me lever de mauvaise humeur ou pessimiste, et le soir je vais me coucher en éclatant de rire, je vais passer par tous les états, je vais être amoureux, je vais être révolté, je vais être en colère, tout ça, ça a été moi. Il n'y a pas de raison d'imposer au public un truc tout noir où les gens forcent à rire, au point qu'ils n'en sont plus drôles du tout. Moi je revendique tout ce qui est le propre de l'homme. Donc on peut faire des chansons très graves, on peut faire pleurer, on a le droit de faire rire, on peut être insouciant, léger, ne pas avoir de propos sérieux, on peut avoir un propos sérieux aussi, on peut tout dire, tout faire. Nous sommes libres. On est absolument libres, on est même libre de ne pas enregistrer et de ne pas écrire. Il faut... Et donc moi j'essaie de construire pour l'objet que la personne va acheter, que ce soit un disque ou une place de spectacle, qu'elle voit un éventail de l'humain. Mais dans un vrai humain. Le pire comme le meilleur comme le pire. Ben, le meilleur, le pire, le drôle, le gay, le triste. Le multifacette du genre humain. Ben, l'ensemble, parce que tous les profils. Parce qu'on est comme ça. On n'est pas tout rouge, tout noir. On est comme ça. Il y a quatre saisons. Il y a le jour, il y a la nuit. On est aussi. On fait une chose, on pense à une autre. On peut sauter du coq à l'âne. Moi, je me méfie des gens qui sont d'une seule couleur. Rien ne me fait plus peur que ces gens qui rient tout le temps. Ah, il me terrifie. Il y a quelque chose là. Ouais. C'est quelque chose à enfouir. Ouais. Alors pareil, ceux qui font tout le temps la gueule. Là, il y a, c'est, là, ça va pas. Je pense que les enfants pour ça sont un bon modèle, un bon exemple. Ils peuvent justement passer du rire aux larmes. Les clowns, aussi. Les clones, les enfants, c'est-à-dire les gens spontanés qui ne sont pas, rigidifiés par le moule social, qui ne pensent pas à ce qu'on va penser d'eux. Ils sont simplement, ils ne cherchent pas à paraître. Ils sont. Ils se fichent un peu du jugement. Donc c'est ça aussi quand tu écris, tu ne dois pas penser à ce que tout ça va peut-être amener. C'est une fois que c'est fait, que là tu te rends compte peut-être de la portée de l'œuvre que tu as fait. Oui, mais par contre, moi j'ai fait 2-3 morceaux assez graves. Et tu savais avant de... Je savais même en les écrivant parce que je... Okay. Et après j'ai vu ce que c'était sur scène, parce que je m'étais pas trompé. Mais ça jetait un froid. Et après, j'ai dit, tu as voulu la mettre, tu l'as mise. Bon, et maintenant, comment t'enchaînes maintenant? Parce que tu ne peux pas enchaîner par une pirouette non plus. Et donc, j'ai mesuré la responsabilité. Que là, si tu vas chercher les larmes dans le public, tu as le droit. Et comment tu t'en sors? Et quand tu les sors de là, après? Et bien ça, c'est la responsabilité. C'est un job. C'est le job de l'artiste. T'as voulu faire le malin, et ben vas-y. Et de même, si tu veux arrêter le rire, c'est pareil. Si tu veux arrêter le rire, parce que bon, ça devient indécent, donc ça fait 20 minutes qu'on rit, il y a aussi des choses très graves qui se passent sur Terre. Et comment il faut savoir canaliser tout ça. Ça, c'est la responsabilité des gens qui sont sur scène et qui ne sont pas justement des manipulateurs, qui veulent... On accompagne vers les larmes, on reprend, on va vers le rire, mais on passe par des paliers. Et c'est là notamment où les chansons tendres sont très utiles, où les chansons de description, où les chansons de rêve. Souvent, j'avais écrit une chanson sur Magritte, le peintre. Très souvent, Magritte est venue à mon secours après une chanson grave, parce que tout à coup, on s'évadait, mais on reste par le biais du rêve et de la poésie. Et après, on pouvait retrouver le rire ou le sourire. Mais de prendre par la main le public comme ça, à travers l'image de Magritte, que tout le monde connaît et voit ce qu'on veut dire à travers Magritte, c'est doux, c'est tendre, c'est onirique. Bon, et bien ça aussi, j'ai beaucoup appris la responsabilité de balancer des choses graves sur scène, ou tristes. Et donc, surtout pas d'en faire un fonds de commerce. C'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Effectivement. Moi, je vais peut-être prendre une bière, là, parce que je parle beaucoup. Et puis l'eau, ben, comme il a pris, là. Une polaner. Polaner ? On en met deux ? Oui, deux. Ouais. Oh, allez. Et donc, oui, ça, c'est important, quoi, c'est de... Une fois, j'ai vu un chanteur comme ça, très connu, à l'Olympia, à Paris, qui, sur scène, il appelait les jeunes qui étaient là dans la salle, il les appelait la guérilla urbaine. Et j'ai quitté la salle, j'ai dit, mais maudit, comme vous dites chez vous, maudit enfoiré. Mais quelle responsabilité de dire ça à des gamins. Toi, tu vas retrouver ton velours rouge et ton champagne dans ta loge, et ton bouquet de fleurs et tes télégrammes du tout Paris, et tu appelles des gamins les guérillas urbaines, et tu te fais du fric avec ça. Mais j'ai trouvé ça honteux. C'est scandaleux. Et c'est quelqu'un d'hyper connu. de ma génération. Bon, et c'est honteux. Le crayon et écrire d'autres chansons pour dénoncer pour... Je l'ai fait. Je le ferai plus en chanson. Pourquoi? J'ai plus envie et je trouve qu'il y a trop de gens qui s'expriment que c'est la cacophonie et qu'il vaut mieux faire silence ou bien déplacer le propos. C'est ce que j'ai fait depuis quelques années où je parle beaucoup de la nature. Mais en parlant de la nature, vu que je ne parle pas de la société, ça montre tous les méfaits de la société. Mais je n'ai pas de leçons à donner aux politiques, aux économistes, tout ça. Je ne suis pas plus con qu'un autre, mais là, j'en peux plus de la démagogie, de tout le monde commente et dit n'importe quoi. Pour moi, ça ne va pas. Il y a de la dérision partout. Non, je peux plus. Je le fais. Hein. Donc, et c'est justement parce que je l'ai fait que je me sens tout à fait dégagé, comme disait Nougaro. Nougaro, on lui demandait, es-tu un chanteur engagé ? Il disait, non, je suis dégagé de mes obligations militantes. Il habitait pas loin d'ici, je connaissais bien Nougaro. Oui. Comme Dali, on lui demandait, est-ce que c'est dur d'être Dali ? Il dit, non, c'est mou. C'est mou. Oui. Et donc, tu veux utiliser peut-être un autre médium pour... Alors par contre, là, la pièce de théâtre que j'ai écrite, là, c'est une farce qui se veut... Merci. Qui se veut assez cinglante. Alors ça ne parle pas de la société, mais ça en parle quand même. Et c'est pas frontal, c'est pas direct. C'est par le biais de l'allégorie. Et comment t'en es venu à écrire pour le théâtre? Quand je fais une chanson, j'exprime mon point de vue. Dans une pièce de théâtre, je peux exprimer des points de vue de mes ennemis, de gens que je déteste, de gens que je méprise, de gens qui me font rire. Et je peux exprimer une multiplicité de points de vue. Et puis c'est amusant de faire dialoguer des gens. J'en suis venu là, mais c'est venu surtout de l'envie de faire rire, parce que dans mes chansons, ça fait longtemps que je n'écris plus de chansons drôles. Pourquoi ? J'en ai fait pas mal pendant 25 ans. Et puis, l'envie m'a passé. Essentiellement, pas tourner autour du pot, mais j'ai perdu deux femmes dans ma vie. Okay. Et l'humour est parti avec. Donc, la dernière, c'était il y a 10 ans. Okay. Et la première, c'était dans les années 80. Et il y a des choses... Difficile à surmonter. Non, il y a des choses... un ressort cassé. Et j'ai retrouvé l'humour par les sketchs. Mais en chanson, j'ai plus eu l'envie. J'ai retrouvé par les sketchs et par l'écriture théâtrale. Et justement parce que c'est des personnages qui s'expriment. C'est pas moi. Enfin, c'est moi, mais c'est pas moi 100%. Dans la chanson, c'est moi. Est-ce que tu t'es fait encadrer pour écrire pour le théâtre ou si tu savais déjà les balises là? Non, je me suis pas fait encadrer, non. Mais si j'arrive à faire monter, ce sera encadré puisqu'il y aura forcément des comédiens et un metteur en scène et que... La pièce, ça se modifie. Il y a un manuscrit, puis après on joue avec. Après on voit ce qu'on en fait. Ouais. Donc là, oui. Selon l'auteur, si l'auteur veut, si l'auteur veut se tenir à ce qu'il a écrit, là il n'y a pas de. Oui, mais pour ça il faut être Samuel Beckett. je trouve plus intéressant de travailler en collaboration avec des gens dans ce métier. Parce qu'il y a une physiologie de la pièce de théâtre. Il y a un rythme, il y a des choses à essayer. Et dans la mesure où ce ne sont pas des alexandrins, où ce n'est pas du théâtre classique, que c'est une farce, on peut essayer des choses. Mais lorsque tu écrivais des chansons, encore aujourd'hui quand tu écris des chansons, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Les deux aussi. Le dernier disque que j'ai fait, que je te donnerai tout à l'heure, j'ai énormément travaillé et sont énormément sur la musicalité, suivant des mots. Et la consonance des mots. Mais de la musique aussi. La musicalité des mots en suivant cela, évidemment, le fameux précepte de Verlaine, de la musique avant toute chose. Et c'est-à-dire que les mots sonnent facilement, qu'on se pose aucune question. Et qu'ils sonnent aussi sur la musique, que la musique sonne aussi. Que tout sonne au diapason. Et que le sens, on s'en aperçoit même pas. Voilà. Que tout coule de source. Ben, ça, c'est l'idéal, quand ça coule de source, qu'on se pose aucune question, c'est-à-dire passer par un aspect sensuel de la parole. Donc, ça évite déjà beaucoup de choses. Ça évite l'emploi de certains temps. Il y a certains temps, ça évite certaines formes narratives. Moi, je cherche toujours à écrire très dense. Pour après s'épurer ou garder ça touffu? Non, c'est plutôt épuré. Mais faut faire gaffe quand on travaille dans l'épure, parce qu'il arrive un moment où ça peut se casser, ouais. Tellement c'est épuré. La bulle de savon qui est irisée, au bout d'un moment, elle éclate. Donc il ne faut pas que ce soit trop fin, non. C'est très subtil. C'est de la chanson en même temps. Oui, je travaille dans ce sens-là, mais ça fait longtemps. Hein. Quand même, c'est avant tout la musicalité. Le sens vient après, vient pendant, enfin, il vient en même temps aussi, mais il ne vient que s'il y a musicalité, je sais pas comment te dire. C'est pour moi une part importante, mais qu'on se pose pas de questions. En ce sens, c'est vraiment... je dis que ce sont les deux plus grands maîtres, c'est Trenet et Gainsbourg dans cette approche là. J'adore Brassens, j'adore Higelin, j'adore. As-tu rencontré Gainsbourg? Oui, plusieurs fois, oui. Dans des cadres professionnels? Oui, professionnels, mais c'était pas à son honneur. Ok. C'est Gainsbourg plutôt que Jean. Ah ouais, 81. C'était pas... Le double personnage. C'était pas terrible. Ouais. Malheureusement. Mais là, je veux dire, la forme. Et pour, au niveau de la forme, c'est vraiment... bon. Et qu'est-ce que vous vouliez faire ensemble? Dans une émission. Ok, sur les plateaux. Ok, je croyais au niveau professionnel, pour le travail. Non. De toute façon, je ne serai jamais. Je traînais aussi, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais j'étais tétanisé, de toute façon. Donc, je pouvais bafouiller trois conneries. Est-ce que tu. Un moment de... Parce que Higelin a fait. Higelin en chant de Trenet, il y a 6-7 ans, où il reprenait des chansons de Trenet. Est-ce que toi aussi, un jour, tu vas sentir le goût de rendre hommage à Trenet comme. Comme influence majeure. Il l'avait déjà fait en 80, ça, Higelin. Oui, mais il l'a indiqué. En présence de Trenet. Oui, il a raconté. Il l'avait fait au printemps de Bourges. Oui. Oui, puis Lavilliers, il a fait Ferré, et puis... Et toi, est-ce que tu veux prendre un... Non. Non? Non, d'abord parce que je trouve qu'ils le font très bien. Oui. J'aime pas trop ce qu'a fait Benjamin Biolay, là, avec Trenet, là. OK. Ça vient de sortir. Moi, il est en spectacle actuellement. Je trouve qu'il le fait très bien. Et puis, non, j'ai aucune envie. Si je faisais ça, ce serait avec quelqu'un d'inconnu. Avance, le retour des grandes pénuries. fin du fin de la finance, la fine fleur du tous nourri. Y'a une solution innovante, quoique un tantinet radical. Peut-être c'est pas la fête du ventre, mais ça cale. Mangeons des cons à la vanille, mangeons des connards aux lardons, des petits salauds aux lentilles, mangeons des cons aux petits oignons. Mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons. La première fois ça fait bizarre, petit à petit on s'y fait. Un peu sec comme le lézard, mais nourrissant comme le mafé. Y'en a sous toutes les latitudes, et des stocks comme un puits sans feu. C'est bien joli la multitude, trois petits fours et puis s'en vont. Mangeons des blaireaux en matelote, des trous du cul à l'estragon, au barbecue ou en compote, des idiots bio au courbouillon. Mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons. Mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons. Et comme il y aura sûrement du rap, qu'on frôlera l'indigestion, on ramènera des doggy bags pour les enfants à la maison. Je vous inviterai à ma table, ça fera bien des malnutris, sous le fallacieux lamentable qu'on étouffe le compte d'autrui. Mangeons des couilles ou des chamelles, de l'abruti en émincé, des andouilles au naturel. Mangeons des cons en fricassé. Mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, avant qu'ils ne nous mangent. Mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons, mangeons. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL LF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Oui, à qui je pourrais peut-être rendre un peu un service. Je n'ai rien à apporter à Trenet ou à Gainsbourg. Mais rien du tout. Non, mais... Et c'est, ils ont fait ça. Qu'est-ce que je vais aller rajouter une touche de peinture, un Cézanne ou un Claude Monet. Non. Ça tient debout tout seul. Hein. Ça sert, oui, mais c'est uniquement pour dire le parcours que toi, tu as eu grâce à ces auteurs-là. Donc, oui, je les ai découverts très tard. Okay. Très, très tard. Et peut-être pas Trenet. Là. Trenet était là dans les années 50. Oui, mais je le connaissais pas. Ah, tu connaissais pas? Oh, oh, oh. Ah non? Oh, oh. Je connais maintenant, mais... non, non, c'est... Il y en a un, alors, chez nous, j'aimerais bien qu'un groupe de jeunes fasse quelque chose, parce que, venant tout de suite après, il y en a deux que je mets à égalité, c'est Nougaro et Félix Leclerc. J'ai une passion pour Félix Leclerc, qui est très méconnu en France. Il n'était pas dans les années 50-60, c'était une méga vedette. Oui, oui, je sais que c'était une vedette, puis je connais bien Jean Dufour, qui est un ami, etc. Mais les gens connaissent, mais ils connaissent quatre chansons, à peine. Au Québec aussi, pas le... Et puis pas ils connaissent pas non, son œuvre de romancier, qui est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. C'est le Giono québécois. Hein. C'est magnifique. Ses fables aussi. C'est magnifique. Ouais. Et son théâtre de village, ouais. C'est magnifique. C'est vrai. Et là, il y a une œuvre poétique énorme. Il faudrait une troupe de jeunes pour s'emparer de ça et rendre justice et hommage à Leclerc en France. Quoi qu'il y a Jacques Bertin qui travaille fort pour faire la promotion de Leclerc en sortant des biographies officielles par la famille Leclerc. Oui. Jacques Bertin est un grand amoureux de... Je sais, je connais, okay, okay. Mais je ne pense pas du tout à ça. Moi, je pense à des jeunes. OK. À des jeunes, justement, pour ne pas faire le côté chanteur à guitare, chanteur... Actualisé, Leclerc. Oh, il n'en a pas besoin, mais juste... juste swinguer quand il faut swinguer, c'est pas Jacques Bertin qui va faire swinguer. Non. Ben non. Quoique. Non, non, non, non. Faire swinguer. Faire swinguer. Et puis monter le côté intemporel. Il n'est pas vieux, Félix Leclerc. Il est magnifique. Et il y a un truc à faire. Il s'y est pas trompé. Quand il a repris le Foc de Michel Rivard, il l'a chanté. Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu l'écrire. Oui, oui, ben oui. Et Rivard, il swing. Oui. Il swing. Ah ben, il swing encore un peu. Il dit plus grand chose. Il fait des disques, mais il dit plus grand chose. Bon. Depuis 15 ans, il dit plus rien. Oui, mais enfin bon, il a une belle discographie. Oui, oui, oui. Avec des chansons. Avec des chansons qui remuent, oui. qui bougent. Oui. Et bah, c'est ça qu'on peut. Moi, j'aime pas les musées, j'aime pas les trucs. Leclerc, il a une. Et je dirais même plus que. Peut-être plus que Vigneault, il a une part. Parce que c'est très baroque ce qu'il a écrit. C'est irrégulier. Moi, j'aime son côté saltimbanque. Il a deux, trois morceaux, là. Le Troubadour, oui, où il a une chanson sur les bohémiens, oui, qui est un chef-d'œuvre absolu. Bozo, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà la chanson que j'aurais aimé écrire, c'est Bozo. Même avant Trenet. Ah oui. Ah oui. Bozo, Bozo, pour moi, c'est la plus grande chanson francophone. Ah oui. Ah oui. Ah ben, on dirait Mon Lévesque, quand les hommes grands d'amour. Par tout le non-dit. Parce que la chanson francophone, qu'elle soit française, belge, suisse ou québécoise, elle est souvent bavarde. Et là, le génie de cette chanson, c'est que la moitié des choses, ça n'est pas dit. Et ça fait un bien fou, parce que du coup, nous pouvons, nous, imaginer la chanson. Chacun se refait son palais, son château imaginé au bord de l'eau, et ses invités poudrés, et tout ça. Et là ça devient, c'est absolument... C'est fait, oui, mais quelle élégance vis-à-vis de l'auditeur. Ouais, le respect. C'est le respect. Ouvert, ouais. C'est ouvert, oh, oui, oui, c'est oui. Pas fermé. Non. Et il en a plusieurs, comme la chanson sur les bohémiens, oui, elle est oui. magnifique aussi. Mm-hmm. Et... Les Tours de Lille. Tour de Lille. Est-ce que tu la connais, la Tour de Lille? Une chanson de 12 minutes qui raconte l'île d'Orléans. Bien sûr, je la connais. Mais les instrumentations sont incroyables. Je la préfère à la guitare. Okay. Dans la version en public à Paris. Le disque s'appelle Merci la France. Okay. Le grand orchestre et les violons, il m'ennuie. Je trouve ça redondant. Ça, c'est François Dompierre. C'est redondant, c'est pompeux. Okay. J'aime pas ça. Moi, j'aime son côté guitare. Guitare-voix, ça craque. Oui, c'est ça. C'est irrégulier. Comme l'homme. C'est on ne sait même pas s'il joue bien ou s'il joue pas bien. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est lui. C'est bien. C'est en ça que c'est bien. C'est que c'est brut. C'est debout. C'est ça sent le bûcheron. Ça sent le bûcheron québécois. Oui, ça l'agaçait, mais ça veut dire quelque chose. Ah oui, oui, oui. C'est quelque chose, le bûcheron québécois. Oui. C'était bûcheron parce qu'il y avait des arbres et puis qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire et qu'il fallait bien y aller. C'est pour et ça qu'il y a des bûcherons. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des bûcherons. C'est parce qu'il y avait des arbres et qu'il n'y avait pas d'autre chose. C'est ça, effectivement. Puis c'est un métier très difficile. Parce et de l'espace. Oui, mais c'était à la hache, c'était pas à la scie à chaîne. Aujourd'hui, c'est facile. Mais à la hache, c'est très, très complexe et beaucoup de morts parce que l'arbre tombait sur le bûcheron. Oui, oui. Donc, puis après ça, il y avait on plaçait les bûches sur l'eau, sur le fleuve, et il y avait des draveurs. C'est là aussi, c'est dangereux. Ils roulaient sur les pitounes, ouais. Et souvent, ils restaient coincés entre les deux, ils passaient en dessous de la pitoune et mouraient. Oui. Ben oui, mais tu sais, dans le sud de la France, c'est des endroits, des endroits où c'était les tailleurs de pierre. Oui. Ben, parce que, il y avait que ça, il y avait une carrière et puis il fallait tailler la pierre. C'est ça. C'est la force des choses. La force des choses, la nature qui fait l'homme. Et il y, y a de ça, et c'est pour ça que ces contes, sa prose, raconte la même histoire. Il y a une histoire qui est tellement drôle, là, qui raconte quand il était croque-mort pour gagner sa vie. Il était croque-mort quand il était étudiant. Puis à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus si c'était une blague ou un accident, mais il y a le mort qui se relève dans le cercueil parce qu'il y avait... C'était un phénomène physique, si tu veux, mais bon, il décrit ça, mais ça pissait de rire. Parce que lui, il est étudiant, il a, je sais pas, 20 ans, 25 ans, il fait ça pour gagner sa vie. Exactement. Puis il décrit le mort qui se relève dans son cercueil. C'est drôlatique, hein. c'est vraiment bien. Et c'est du Félix, c'est vraiment unique, unique. Parce que c'est humain aussi. Ben, ça touche tout le monde. Quand Vigneault racontait les histoires de Katak, l'Indien, qui disait « j'étais là avant », c'est vrai. Ça aussi, c'est très fort. Il n'y avait que Gilles qui pouvait faire ça. Ouais. J'étais là avant. Il y a le projecteur qui l'éclairait là, par derrière. Avec sa gueule, son nez. Sa gueule d'Indien. Un peu. Ouais. Non, c'est ça que, évidemment, on est très loin du monde parisien, des petits marquis. C'est ça qui manque un peu, beaucoup à Paris. Là. Ben Gilbert Lafaille, merci d'être passé à mon émission. J'étais sous le charme et enchanté par la façon dont tu as relaté ta carrière et surtout apporté à notre Félix une autre dimension. Merci. Ben, merci de l'accueil. Puis écoute, à la revoyure, on se retrouve sans doute, on se retrouve à travers ta musique, mais on se retrouve aussi peut-être sur scène aux Francofolies, on ne sait pas, ou sur des réseaux plus intimistes. Avec plaisir. Ben merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Vous y reprenez des chansons de Trenet. Est-ce que toi aussi, un jour, tu vas sentir le goût de rendre hommage à Trenet comme influence majeure? Il l'avait déjà fait en 80, ça, Higelin. Alors là, je choisis une chanson de... je t'ai proposé. Il faut être honnête dans la vie, dans l'existence. Et je t'ai proposé une chanson de Charles Trenet. Et contre toute attente, tu as dit oui, et ça m'a monté l'adrénaline dans le cœur et une isoptine. Le fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, tic-tac, tic-tic. Non, c'est pas vrai, les oiseaux. Les oiseaux. Ils font pic-pac, pic-pic. Pic-pic, ah oui. Non, les pivers. Non, ils font pas pic-pac, pic-pic, les oiseaux du lac. Ils font quoi? Ils font cuit-cuit. Ah bon? Ah ben oui, ça va poser un certain problème, quoi. Surtout que le type qui envoie le texte dans le prompteur, il a pas compris qu'il y avait un problème et il veut pas remonter, quoi. Voilà. Les oiseaux du lac. Tu vois, les oiseaux du lac. Pic, pic. Voilà. Je pense qu'il a dû faire ça pour la rime. Les oiseaux. Ben, Charles Trenet, il avait pas toujours... Il avait beaucoup d'esprit, mais des fois, il le perdait. On peut bien le démolir, il est mort. Quelle horreur. Oui, ça va. On recommence. fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-dang-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, boum, tout avec lui et boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Oh oui, l'amour. Boum, il chante love in bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Ça, je comprends pas. Enfin bon, tu vois. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Qui entendent aux fenêtres, non? Bon, ça fait rien. Des murs qui entendent aux fenêtres. Oui, des murs qui entendent aux fenêtres, tu vois. On pourrait aussi réfléchir à la proposition. Oui, c'est vrai que c'est vrai, je suis assez d'accord. Oui. Ouais. Tout à Pourquoi t'es en rouge et moi en bleu? Hein? Pourquoi t'es en rouge et moi en bleu? Bah, toi, ton. Bah, moi, je suis en bleu, toi, t'es en rouge. Pourquoi? Parce que je suis communiste. Mais on va leur montrer, Kiko. Regardez. Vous voyez? Rouge, bleu. C'est révolutionnaire, ça, les filles en bleu. Mais il manque le blanc. Oui. Bien. Oui, on continue? On peut? Il y a du lilas. C'est possible? Ouais. Oui. Tout a changé depuis hier. C'est toi qui as arrêté cette fois-ci, alors oui, arrête de faire assez possible, comme si... La mauvaise foi de cette belle femme. Elle profite parce que je suis sous le charme, prêt à accepter tout, quoi. Mais c'est toi qui voulais que ce soit en bleu, toi. Il y a des artistes qui attendent leur tour derrière, hein. On s'en fout, on est les meilleurs. Oh, c'est les meilleurs du prompteur. D'une impudence. On a Allez, c'est parti. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, boum. L'astre du jour fait boum, tout avec lui fait boum, quand notre cœur fait boum, boum. Quand notre cœur fait boum. Le vent dans les bois fait boum. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi, là c'est bleu. C'est non, c'est rouge. Oui. Ah, c'est rouge. Le vent dans les bois. Le vent dans les bois fait boum. La biche au bas. Oh. La biche aux abois. La biche aux abois fait. Mais on leur sort. La vaisselle casse. Qui a déjà entendu une biche dans la salle? Levez le doigt. Qui a déjà entendu une biche aux abois? Non mais c'est un poète. Ça explique pas tout, mais ça peut justifier tout. Le vent dans les bois fait boum. Alors, le vent dans les bois, c'est rouge. Le vent dans les bois fait boum. La biche aux abois fait boum. Celle cassée fait fric fric frac. Et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui fait boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus rapide et plus beau que les abeilles. Pourquoi tu ris? Pourquoi? Parce que c'est des bassins plus légers qu'un... plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Ça va, tout à l'heure j'ai dit plus léger qu'un oiseau, qu'un fromage en répétition. Alors c'est déjà un progrès. Ah oui, ça peut être fromage, hein, léger. J'en ai marre, là, mais je ne sais plus à quoi je sers. Plus vite que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Hey, boum, le monde entier fait boum, tout avec lui fait boum, ton cœur fait boum boum. En présence de Trenet. Oui, il a raconté l'histoire. Il l'avait fait au printemps de Bourges. Oui, oui.